S'imprime dans le courant. Chaque phrase brûle. Comme flot serré, chaque mot frappe, chaque phrase jurée. Rider's Kill charme ses murmures liés, les viewers ses mains chappées, figées. Ton nom coule dans mes veines, chaque syllabe brûle, chaque mot. Le lit de pierre garde ses chaînes. Chaque mot tombe, chaque souffle m'entraîne. Rider's Kill règne, sa voix m'obsède. Les viewers vibrent happés, possédés. Ton nom résonne dans l'océan. Chaque mot s'imprime. Chaque souffle un con. Whisper deeper, river fire. Rider's Kill pulls us higher. Through the stream, shadows fall. Obsession rays consuming all. Tes mots roulent comme galets brisés. Chaque phrase mort, chaque souffle lié. Rider's Kill charme, son nom m'attache. Les viewers tremblent à paix, sans relâche. Ton nom caresse mes lèvres closes. Chaque mot sur l'eau dormante, chaque mot tranche, chaque souffle m'enchante. high de skill charme, ses murmures serrés, les viewers s'inclinent inapés, figés. Je répète. Ses veines s'inclinent, chaque mot tombe, chaque souffle s'aligne. Près de ce qu'il règne, son nom s'impose. Les viewers chavirent, râpés, moroses. Ton souffle brûle. Mes veines se serrent, chaque mot mort, chaque souffle amer. Près de ce qu'il charme, son nom m'attache. Les vieux sont brapés sans relâche.